You told me we were the perfect song, so I continued to sing along. But now when I know what it is all about, I stop talking and shout. Alors, je m'appelle Vincent, je suis membre des semi-croustillants groupes de jazz et d'Empire of Kane, où je suis chanteur et je suis trompettiste aussi dans les semi-croustillants. Donc là, on va plutôt parler de quel groupe ? Là, ça sera surtout les semi-croustillants. Tu veux parler des semi-croustillants, ouais ? Ouais. C'est bon ? Bon, bah nickel. Alors, les semi-croustillants, donc, c'est un groupe à base de plusieurs autres personnes, d'autres personnes d'autres groupes. C'est... Bah, en fait, à la base, moi, j'officie dans Empire of Kane, et puis Frédéric, qui est aussi le batteur des semi-croustillants, est également batteur pour Centenario, qui joue aussi ce soir. Mais après, les semi-croustillants, ça regroupe, on va dire, des musiciens amateurs qui ont fait ça dans le cadre de l'école de musique de Vénier, le CIGMV. Et à la base, c'est parti d'un atelier. Et aujourd'hui, on officie plus comme un groupe que comme un atelier, en fait. Et ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Je saurais pas dire précisément, ça va faire 6 ans, 7 ans plus ou moins, je crois. Ouais, et c'est quoi comme style musical, hein? C'est... À présent, on a eu du bon métal qui tapait fort, c'est quoi? Alors là, c'est autre chose, là, c'est plutôt du jazz, du blues, on reprend des grands standards de jazz, on a repris du Kennington, enfin, c'est du standard. Après, on a fait quelques petites compositions par-ci par-là, mais après, ça peut être soit de la compo, soit de la reprise, mais c'est pas quelque chose de très. Comment dire, de très recherché en soi, c'est vraiment faire de la musique pour se faire plaisir, quoi. Et c'est quoi, vous êtes combien? Vous êtes beaucoup, il me semble. Alors on est plus ou moins, on doit être environ 10, peut-être un peu plus, ou environ, quoi. Et comment vous faites pour composer? Comment on gère un groupe de 10 personnes? Alors comment on gère un groupe de 10 personnes, c'est assez compliqué. On va dire que c'est Philippe, qui est également prof de trompette aussi, CIGMV, qui écrit les morceaux à la base, ou qui les réadapte. Et parce qu'en fait, dans le groupe, après, ce qu'on a fait en tout début d'année, c'était on créait des petits bouts de morceaux, les mettre bout à bout, essayer de faire une petite compo avec ça. Après, en soi, comme tout le monde dans le groupe n'a pas forcément les compétences requises pour faire de l'écriture musicale, après, c'est assez compliqué, quoi. Donc après, c'est pour ça qu'on se remet généralement à Philippe. Mm-hmm. Très bien. Et vous avez quoi, c'est quoi comme ambition pour le groupe, là? C'est un truc entre potes ou C'est un truc entre potes où on fait de la musique pour déconner, tout ça. Enfin, c'est vraiment pour se faire plaisir, quoi. Il n'y a rien de bien concret. On n'a pas de gros projets derrière, quoi. Vous avez déjà fait d'autres représentations que là sur les événements de musique actuels? Oui, on l'a déjà fait depuis, ça fait 6 ans du coup qu'on existe, donc oui, forcément on a déjà fait quelques concerts quand même depuis le temps. Après c'est des concerts genre je sais pas, la fête de la musique, par exemple les festivals de musique actuelle sur Vénier, on a fait c'est surtout quelque chose de très c'est pas des gros festivals qu'on fait ou des gros concerts, c'est surtout quelque chose de très restreint, on va dire, mais... Comment ? C'est des trucs plutôt locaux. Ouais, c'est très local, ouais. Il y a juste une fois, on a joué sur Chinon ou Langer, mais après, on reste souvent sur Vénier ou Montbazon, quoi. Et vous êtes tous issus justement de cette école de musique, ou alors ça s'est greffé? Il y a d'autres personnes qui sont greffées à part? Y a des musiciens qui sont pas forcément de l'école de musique. Enfin, moi j'y suis, donc du coup, je disais, Philippe est prof de trompette du coup là-bas. Après Maurice, qui est à la guitare, fait partie de l'école, il fait partie du bureau, il me semble. Et après ouais, il y a quelques élèves, on a notre pianiste aussi qui prend les cours de piano, il me semble, et puis son frère qui est aussi à la guitare, qui est aussi à l'école de musique. Après le reste, c'est des gens qui ont peut-être dû apprendre la musique à l'école de musique ou alors en autodidacte, mais qui se sont greffés après justement sur ce groupe là, quoi. Très bien. Un petit mot particulier, un petit quelque chose à dire de spécial Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. Voilà. Très bien. Camelot. Exactement. D'où le nom référence les semi-croustillants. On voulait s'appeler les petits pédestres dont au lion, mais ils pensaient que j'allais faire un jeu de mots avec les petits pédés, donc on ne l'a pas fait, quoi. Exactement. Semi-croustillant, ça passe mieux. C'est ça. Bon, bah nickel. Je te remercie. Et bah pas de problème. Allez. Non, non, non, non. Thank you.

hidden from daylight, I'm still in my cave, trapped in a dream that is slowly turning to a nightmare, where I'm all alone. I always life when you bought a dream, the book is still open, the pages empty as me. Until we unite, I leave for that night. Wait for time, two souls entwine. In the break of new dawn, my hope is for long. We will never meet, only misery and me. This is my final call. By the light of new day, I'll fade away. Reality cuts deep. Would you plead with me, my Celine? Alors, moi c'est Marceau Roy, j'ai 16 ans et je joue dans le groupe Empire of Kane au titre de guitariste soliste. Moi c'est Vincent, je suis le chanteur du groupe Empire of Kane. Bonjour, moi c'est Hugo, je suis le bassiste dans le même groupe que les deux autres. Bonjour, moi c'est Loïc, j'ai 24 ans et je suis le batteur de Empire of Kane. Alors, question un petit peu pour être chiant, qu'est-ce que vous faites à côté de ça? Enfin, c'est quoi vos professions? Vous avez un taf, vous faites des études, juste histoire de savoir? Moi je suis en première L au lycée Saint-Grégoire, c'est tout. Je suis en deuxième année de musicologie à Tours. Je suis en deuxième année de prépa maths à Tours. Et moi je fais que de la batterie tout le temps et j'ai des cours à Tous en scène aussi particuliers, en batterie. Ouais. Très bien. Et vous êtes croisés comment, tous les quatre? Alors à la base Empire of Kane ça s'est monté avec des personnes qui en plus sont parties entre temps. Il y avait Frédéric qui est aussi le batteur, le Centenario qui à la base était le batteur, Hugo qui est un membre originel, Jordan aussi notre guitariste rythmique qui est absent et qui est aussi un membre originel, moi également. Et du coup suite à des soucis de line-up on a eu recours à plusieurs remplacements. C'est pour ça qu'aujourd'hui Marceau officie en tant que soliste à la guitare et Loïc à la batterie. Très bien, et c'est un groupe qui a combien de temps? Ça fera bientôt 3 ans la Toussaint prochaine. Voilà. Donc avec les nouveaux et depuis pas très longtemps, avec les anciens de presque 3 ans et les nouveaux. Les nouveaux ça fait depuis Même pas un an. C'est arrivé en décembre. Depuis décembre que ouais. C'est la composition actuelle en fait. Puis toi t'étais là un petit peu avant de décembre je crois. Moi je suis arrivé vers octobre-novembre je crois que je trouve ça. Ouais. Et c'est quoi comme type de musique qu'on va écouter avec vous là? Mais nous on sait pas trop comment se définir pas, en fait. C'est pas du rap, je crois pas. Non, t'inquiète, c'est pas du rap. C'est du métal. Alors je me contente de préciser Aurore Metal Symphonique pour la bonne et simple raison que déjà pour le côté symphonique, on a des samples orchestrales qui nous accompagnent pendant qu'on joue. Le côté aurore c'est juste pour connoter un certain côté sombre, une certaine agressivité, parce que il y a des moments où on va se croiser un petit peu entre black metal, death metal, sans forcément se définir purement dans un seul style en fait. Très bien. Et le début de la musique, ça va. Ma question elle m'est passée. Oh le petit truc qui. Ça m'a complètement déçu le truc. Technical difficulties, non? Ah non, tout va bien. Donc là on est à Montbazon, on est pour la deuxième édition des musiques actuelles. Ouais. C'est quoi le lien que vous avez avec l'événement là? Enfin, vous êtes. C'est l'école de musique de Vénier qui l'organise, vous faites partie de cette école, vous êtes à part, vous êtes incrusté, c'est quoi l'idée? Avec Vincent, on en fait partie, enfin moi j'en fais plus partie maintenant, mais j'en ai fait partie pendant longtemps, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés en fait et qu'on. et qu'on a formé le groupe en fait. Et donc du coup c'est pour ça, on avait déjà joué dans des concerts organisés par l'école de musique où ils ont fait appel à nous à nouveau et voilà. Et justement alors vous avez participé à quoi comme événement? Parce que il me semble, si mes sources sont exactes, vous avez déjà joué avec un groupe un peu plus connu. C'est quoi? Enfin, vous participez à quoi d'autre comme événement? Alors, on a joué avec. Enfin, pour l'instant, on a fait que deux concerts dans le cadre de la scène Metal Tourangelle. On a fait le Pandemic Fest, en gros, qui est géré par la MFest Asso, qui est une association du coup Tourangelle. Et c'est un concert qui, on va dire, qui sert un petit peu d'incipit à chaque année, présentation pour bien démarrer l'année. Et on a joué aussi pour Riposte Asso, qui nous a permis de jouer avec un grand groupe de stragesse français qui s'appelle No Return, le 16 avril dernier. Niveau ambition, ça part sur quoi? Vous êtes sur un groupe de potes qui jouent ensemble pour le fun? Vous avez d'autres ambitions? C'est quoi le principe? Bah, on est des potes à la base, et on a aussi quand même pour projet d'essayer d'aller le plus loin possible. Après, on a enregistré une première démo il n'y a pas longtemps là, qui sera mise en vente du coup ce soir pour le public. Et après, on veut vraiment essayer d'aller le plus loin possible, faire le plus de dates possible, sans forcément avoir la notoriété à la Deep Purple ou ce genre de choses, mais au moins aller le plus loin possible quoi. Et si vous avez la possibilité, vous voudriez continuer dans la musique en tant que professionnel, ou c'est juste quand vous tous tous voulez vraiment continuer dedans? Ouais. Bah ouais, carrément, on a le projet de. On a plein de projets qui se lancent. Même il y a plusieurs des membres du groupe qui ont plusieurs projets annexes, que ce soit des side projects ou des petits plaisirs musicaux. Hein. Enfin, la musique ici, on aime tout ça. Et avec Empire, on partage tous un style de musique, sachant qu'on a tous plusieurs types d'influences. Donc, avec Empire, on s'en sert pour tout mettre dans un même sac, mélanger et commencer à sortir des compos par rapport à ce qu'on a donné. C'est pour ça qu'on a Empire un petit peu. C'est peut-être un groupe de déconne où on répète, on s'éclate un maximum. Mais malgré tout, il y a quand même un maximum de sérieux qu'on fait. On essaie de rester à fond et on a tous le projet de continuer à bosser ensemble. Après, dans le professionnel, on va essayer comme on peut. Bon, moi personnellement, je sais quand même. Bon, déjà, comme je le disais avant, je suis en fac de musicologie, donc si je continue là-dedans, je vais forcément bosser dans la musique. Après, je cherche pas non plus à avoir une dimension professionnelle avec Empire of Kane, parce qu'aujourd'hui, pour vivre de la musique, c'est extrêmement compliqué. Ouais. C'est impossible de faire ça dans le métal, à moins de s'appeler Slayer, Metallica ou ce genre de choses. Et aujourd'hui, le mieux quand on veut travailler là-dedans, ou que ça fasse une grosse partie de notre planning ou de notre emploi du temps, le mieux c'est d'avoir une situation à côté en fait. Et moi personnellement, je préfère quand même avoir un métier, une bonne situation pour pouvoir quand même faire quelque chose avec la musique. Ah, maman. Ouais, voilà, bah, je suis d'accord avec ce que les deux autres ont dit. Hein. Moi je suis là aussi pareil que comme pour eux, parce que bah, j'aime la musique, j'aime bien jouer, j'aime beaucoup de la musique, et puis j'aime jouer avec mes potes quoi. Donc voilà, c'est de l'éclate. Après, on essaiera d'aller aussi loin qu'on peut. C'est vrai, ce serait pas mal si on arrivait à avoir un peu de fond pour enregistrer un album, un truc bien propre et tout ça, ce serait plutôt cool. Après, le professionnel, voilà, c'est comme l'a dit Vincent, c'est toujours un peu compliqué quand même de faire de la musique une carrière professionnelle quoi. On fait des études aussi pour avoir quand même un truc stable à côté. Après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais bon, si ça se présente à nous, pourquoi pas quoi. Moi, je vais devenir un peu. Enfin, mon objectif, c'est d'être comme mon père, c'est d'être intermittent du spectacle. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça veut dire passer pro. Donc, ça va être compliqué. Donc, je sais pas si je vais réussir, mais bon, enfin, en tout cas, là, voilà, la musique, c'est ma passion. C'est limite toute ma vie. Donc, c'est. Voilà, je vais continuer là-dedans. Donc, ouais. Mais mon but, c'est de passer pro professionnel. Voilà. Très bien. Au niveau de la création de vos musiques, c'est des musiques que vous créez vous faites des reprises ou vous situez comment à ce niveau-là? À la base, c'est des compos justement qu'on fait nous-mêmes. Enfin, après, c'est je compose en principal, on va dire. Après, si justement ils ont des petits bouts de lignes justement qu'ils voudraient caler, j'essaie de me débrouiller pour le caler dans une compo. Après, pour l'instant, on n'a pas fait spécialement de reprise. La seule reprise qu'on a fait jusque-là, c'est une reprise qui s'appelle Armata Strigoi d'un groupe allemand qui s'appelle Powerwolf. Après, le reste, c'est que la compo qu'on a fait. Très bien. Un petit mot final, un petit quelque chose à rajouter, je sais pas, on va faire dans le même ordre. Non, on va changer l'ordre, soyons fous. Ordre différent. Un petit mot pour la fin. Ouais. Metal Forever. Ouais, voilà, c'est beau. J'aurais pas dit Metal Forever, j'aurais dit Music Forever en fait. Oh là là. Moi j'ai envie de dire très bien. Bah moi ce que je dirais pour la fin, bah, c'est que on s'appelle Emperor of Kane et nous dominerons le monde. Et nous dominerons le monde entier sous le joug de notre musique géniale. Fantastique. Une petite réplique de Kaamelott peut-être pour conclure. Ouais, allez, faut mettre du beurre dans le fond du plat pour battre le gratin col. Voilà, merci beaucoup, merci à vous. C'est bon pour toi.